tu es née le 24-12-2007. Tu es l'être qui me rend heureuse. Oui, t'es mon héros. Tu es l'enfant qui me nourrit chaque jour de joie. Ton sourire me suffit à me rendre mieux, même quand plus rien ne va. Comme tu me ressembles, quelle vitalité. Ton caractère difficile, je crois que tu le tiens de moi. Parce que je t'ai voulu et que je t'ai attendu. Parce que rien ne vaut l'amour d'une mère et le sourire de son fils. C'est une façon à lui de me dire je t'aime. J'ai fait ce morceau pour te bercer. J'ai fait ce morceau dans mes pensées de cette chose qui me fait rêver. La plus belle chose, la naissance d'un enfant. La joie qui vous inonde, le bonheur d'être maman. La plus belle chose au monde, la naissance d'un enfant. La joie qui vous inonde, quel précieux moment. Mais qu'est-ce que je fais? Je me roule. Je fais que ça me mettre en boule. J'ai mal, je veux plus de bébé. Rentrons à la maison. Mais qu'est-ce que je fais? Je me roule. Je fais que ça me mettre en boule. J'ai mal à me taper le ventre contre le mur. J'ai pas changé d'avis, je veux toujours les piqûres. Ce petit bout de chou en herbe qui cogne juste pour nous dire un coup de pied acerbe. C'est là que je dois sortir, 18h15. Je le tiens enfin dans mes bras. Les liens du sang, c'est ce qui nous unit. Pour l'amour de mon enfant, je donnerai ma vie. Ton reflet dans mes yeux, c'est ce qui me fait sourire. Chaque jour qui passe, dans mon cœur que ton amour me fait survivre. C'est les fruits de l'amour, ce bon ventre rond. Cri d'un nouveau jour, ainsi fond. Les petites marionnettes, couchées dans un berceau. Il bat et fait risette, mon Dieu qu'il est beau. Parce qu'il est tout pour moi, bien plus que ma vie. Je savais pas c'est quoi être mère, je voulais être parfaite. T'as trop vu leur trop mettre, au moins des chèques, fait mes kleenex. Jusqu'au jour où tu t'es mis sur tes deux pieds, que t'as marché. Ta petite main s'échauffe dans la mienne, m'a rassuré, transporté. T'es un astronaute défiant la gravité. C'est naturellement que nos deux cœurs ont fini liés. À travers ce temps où les gens se donnent, se vantent pour survivre, l'amour ne sera bientôt plus qu'une légende. Dans les déceptions suivent, alors certains désespèrent. Moi j'ai trouvé ma raison de vivre, vive d'amour et de bonheur. Je construirai notre empire. Je vais pas te mentir, dans la vie on n'avance pas sans écorchure. Pas plus que je me tiendrai prête, je serai ton armure. Quand ta vie compte plus que la mienne, je verrai pour toi qu'elle soit belle. C'est genre devant l'éternel amour, mais je t'aime. Les liens du sang, c'est ce qui nous unit. Pour l'amour de mon enfant, je donnerai ma vie. Ton reflet dans mes yeux, c'est ce qui me fait sourire. Chaque jour qui passe, c'est dans mon cœur que ton amour me fait survivre. Je te lâche ces refrains, afin de ne pas t'offrir pleurs et peines. Rien n'est difficile dans ma vie, aucun vide. Sûrement pas assez de temps libre. Une mère toujours présente, j'essaie de combler mon amour par des rimes. On vit dans un monde dramatique où la jeunesse a remplacé les études par l'illicite. Mais je t'apprendrai que l'argent ne tombe pas du ciel, ni pousse sur les plantes. Je ne ferai pas de ta vie une tourmente. Parce que j'ai vu des meufs classe et d'autres faire la tournante. Parce que je veux pas que mon fils connaisse la galère, qu'il s'en sorte, qu'il soit fier. Je ferai tout pour être une bonne mère. C'est ce qui nous unit. Pour l'amour de mon enfant, je donnerai ma vie. Ton reflet dans mes yeux, c'est ce qui me fait sourire. Chaque jour qui passe, c'est dans mon cœur que ton amour me fait survivre.